Hein? Ah! Il y a encore des cheveux dans le lavabo! 2. Il n'y a plus une seule assiette propre. C'est encore moi qui vais faire la vaisselle. 3. Je veux dormir! J'ai un examen à la fac demain! Quatre. Oh là là! Qu'est-ce que ce saucisson fait à côté de mon concombre? 5. On est le 5 du mois et Léna n'a toujours pas payé sa part de loyer. 6. Oh, on l'attend depuis une demi-heure. Il a oublié qu'on dîne tous ensemble ce soir. 7. Hé! J'attends depuis 20 minutes pour prendre ma douche! 8. On se voit jamais, on se parle pas. Si c'est ça la colocation,